Bonjour à tous et bienvenue à Entrepod, l'émission de FrenchPod qui vous parle de la culture française. Alors aujourd'hui, nous allons parler littérature, car j'ai invité une très bonne amie à moi, Christella. Salut tout le monde! Et ensemble, nous allons vous en dire un peu plus sur un livre extrêmement important dans la littérature française, mais je dirais même dans la littérature mondiale. J'ai nommé... Le Petit Prince, une très grande œuvre de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, ouais. Exactement. Alors, ce qu'on peut commencer par faire, c'est parler de lui. Alors oui, Antoine de Saint-Exupéry, qui est né exactement en 1900 et qui a eu une vie assez courte, mais une vie extraordinaire. Extraordinaire, vraiment extraordinaire. Il a fait énormément de voyages, puisqu'il était écrivain, mais il était en même temps... aviateur. Ouais. Il nous a laissé plusieurs œuvres, dont les plus connues sont Vol de nuit, Terre des hommes, Pilote de guerre et évidemment Le Petit Prince. Et malheureusement, il est mort au combat en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, il a disparu. C'est un mystère un peu sa mort, on n'a pas retrouvé sa dépouille. En tout cas, l'œuvre qu'il a laissée a marqué sa génération et a marqué les générations qui ont suivi. Et je pense va marquer des générations et encore des générations à venir. Puisque son œuvre la plus connue, Le Petit Prince, a eu une grande influence, a une grande influence encore de nos jours sur de nombreux enfants et de nombreux adultes. Donc ce livre a été publié en 1943. Il a d'abord été publié à New York. Car c'était une période de la vie de Saint-Exupéry où il s'était exilé en Amérique du Nord, notamment au Québec et à New York, où il aurait écrit Le Petit Prince. Le Petit Prince. Alors vous le connaissez peut-être sous le titre The Little Prince, ou si vous êtes espagnol, El Principito, ou chinois, Xiao Wangzi, allemand. Tu pourrais continuer comme ça longtemps, Christella, parce qu'il a été traduit dans plus de 180 langues. Ah, malheureusement, je ne les parle pas toutes. Sinon, je vous aurais donné toute la liste, là. Non, donc vous connaissez peut-être l'œuvre, vous l'avez peut-être déjà lue, dans une autre langue que le français. Mais on s'est dit que ce serait intéressant pour vous aussi de connaître un peu l'œuvre dans la langue dans laquelle elle a été écrite. Oui, parce que c'est vraiment un bouquin merveilleux. Voilà, c'est un grand classique. Et la particularité de cette œuvre, c'est que Saint-Exupéry a mélangé image et écriture, en fait. Oui, parce que c'est vrai qu'il dessinait aussi. Exactement, et donc il y a des dessins dans Le Petit Prince, et les dessins ont un rôle fondamental, d'ailleurs, dans l'œuvre elle-même, pour bien comprendre ce qui se passe. Et on dirait que ces dessins sont un peu simples, un peu comme certaines personnes ont dit du livre qu'il était peut-être un peu pas assez profond, alors qu'il a vraiment une profondeur... indéniable. Exactement, ouais. Personnellement, cette œuvre, pour moi, elle comporte de nombreuses allégories sur le sens de la vie, sur les droits de l'homme, le respect des enfants, le respect de l'imagination de l'enfant aussi, et de leur innocence. Ouais, la façon dont les hommes se comportent les uns envers les autres. Oui, exactement. Il y a beaucoup de messages qui sont transmis à travers ce livre, et je pense que c'est aussi pour cela que, selon les Nations Unies, Le Petit Prince incarne des valeurs importantes, des valeurs de paix, des valeurs de respect des droits de l'homme, de l'enfance, et selon les Nations Unies, Le Petit Prince est un livre qui milite pour la paix. C'est vrai qu'il est magnifique, et c'est pour ça aussi qu'il est même étudié un peu partout dans le monde, dans les écoles, que ce soit au Japon ou en Allemagne. Ou même au Maroc, en France aussi également, puisque moi j'ai eu Le Petit Prince à l'école, il était inclus dans le programme scolaire quand j'étais à l'école primaire. D'accord. Je crois que Saint-Exupéry dit « Les adultes ne se souviennent plus qu'ils étaient enfants ». Exactement. Ils ont tendance à oublier. Et ce livre est comme un moyen de nous rappeler notre enfance et de nous rappeler des valeurs importantes aux choses existentielles de la vie. Et donc on a quand même un message d'amour, de paix qui est inhérent à ce livre, surtout quand on connaît la période à laquelle il a été écrit, donc c'était la guerre. C'est une période horrible dans l'histoire de l'humanité. Oui, et ce livre est comme tombé au bon moment. Et c'est sans doute ce message de paix et d'amour qui fait que, selon Olivier Daguet, qui est membre de la succession Saint-Exupéry, Le Petit Prince serait le livre le plus traduit dans le monde après la Bible et le Coran. C'est pour vous dire. À chaque fois que je suis allée dans un pays autre que la France, il y a toujours eu des non-francophones qui m'ont parlé de ce livre, qui m'ont dit « Si je pouvais apprendre le français, l'un des livres que j'aimerais pouvoir lire en français, ce serait vraiment Le Petit Prince. » J'ai entendu la même chose, oui. De même, la première fois que je suis allée dans une librairie en Chine, je suis allée dans la section livres étrangers, et dans la section livres français, il y avait Le Petit Prince un peu partout. Et je me suis dit « Waouh, le rayonnement de ce livre, je savais pas qu'il était aussi énorme, aussi grand. » Alors sans plus attendre, nous allons vous lire deux extraits du Petit Prince que nous avons choisi. Et dans ces extraits, le Petit Prince s'adresse au renard, puisque le Petit Prince fait différentes rencontres au fil de ses voyages dans le livre. Il rencontre le renard et lui dit « Viens jouer avec moi », lui proposa le Petit Prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi », dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. » « Ah, pardon, » fit le Petit Prince. Mais après réflexion, il ajouta « Qu'est-ce que signifie « apprivoiser »?»« Tu n'es pas d'ici, » dit le renard. « Que cherches-tu ? »